Grammaire. Page 30. Les verbes en ER à deux bases. Écoutez très attentivement la conjugaison des trois premiers verbes. Que remarquez-vous ? Acheter. J'achète. Tu achètes. Il achète. Nous achetons. Vous achetez. Ils achètent. Répétez. Je répète. Tu répètes. Il répète. Nous répétons. Vous répétez. Il répète. Épeler. J'épelle. Tu épelles. Il épelle. Nous épelons. Vous épelez. Ils épellent.